Les personnalités de différents milieux de Russie exaltent vivement le président Kim Il-sung. À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, les rassemblements de célébration, séminaires sur ses exploits, conférences, rendez-vous, expositions de livres, colloques et séances de films ont eu lieu dans divers partis politiques, formations et établissements de Russie. Les personnalités russes de différents milieux, comme le secrétaire du comité du Parti communiste de la Fédération de Russie pour le territoire maritime et le président de l'association d'études du kimsunisme-kimjonglisme à Blagoveshchensk, y ont souligné comme ce qui suit. Le camarade Kim Il-sung, qui a consacré tout pour la puissance et la prospérité du pays, le bonheur du peuple et l'émancipation du monde entier, est le grand homme sans égal reconnu de par le monde. Ses exploits accomplis pour la révolution coréenne et la cause d'émancipation du monde seront éternels dans le cœur des peuples progressistes.